Marc Lévy, et si c'était vrai? Alors voilà un beau best-seller qu'on m'a gentiment prêté. Sinon, je dois bien reconnaître que j'aurais peut-être pas lu. Mais ayant entrepris de lire les best-sellers pour comprendre un peu, et ben voilà. Alors, Marc Lévy, et si c'était vrai? Bon, alors, petit livre, hein, tout ça. Le premier de Marc Lévy, si j'ai bien compris, en tout cas son premier officiel. Grand succès. Bon, voilà, c'est un bouquin un peu fleur bleue, hein, pour les femmes, tout ça, une histoire d'amour, sur un petit fond de fantastique, puisque l'histoire d'amour se passe entre un homme et une fantôme. Pas tout à fait une fantôme, une âme un peu égarée provisoirement parce que c'est une femme qui est dans le coma, mais son esprit sort de son corps et peut être visible par cet homme-là, et par lui seul. Donc là, j'ai à peu près raconté toute l'histoire. Donc c'est très vivant, sauf un peu au milieu, il y a un passage un peu insupportable sur la... Enfin, moi, que j'ai eu du mal à supporter sur le... Sur l'enfance du héros. Il s'appelle comment, le héros? Je sais plus. Enfin, c'est pas très important. Arthur. Bah oui, Arthur. Donc, une histoire d'amour, voilà, c'est très fleur bleue. On a l'impression que c'est écrit pour les femmes. C'est comme si c'était un romantisme féminin. Bon, bah, écrit par un homme, quand même. Hein. Qui met sa tête. Faut le faire, ça, aussi. Il met sa tête... Il y a une photo en couleur sur un poche, un pocket. Il y a sa photo en couleur sur au dos de la couverture. Enfin, c'est-à-dire au dos de la couverture, de la première couverture. C'est-à-dire que c'est dans le livre où il pose là pour faire le beau. Et ça, je pense que c'est assez malin pour plaire à la ménagère, quel que soit l'âge d'ailleurs. C'est vraiment de la séduction organisée. Bon, faut reconnaître que dans le genre, c'est efficace, hein, et puis le petit côté fantastique est sympa. C'est pas, il y a une bonne idée là, tout ce qui se passe, parce que c'est une femme qui n'existe pas, et qui est dans le coma, et qu'est-ce qui va se passer parce que elle va pas rester éternellement dans le coma. Cet homme-là, on sait pas pourquoi, c'est lui qui la voit. C'est pas un livre de science-fiction qui a pour but d'expliquer le truc, et ça me dérange pas, c'est normal. C'est pas le registre de la science-fiction, c'est plutôt un fantastique amoureux. Et là, la raison pour laquelle c'est lui le seul homme qui est capable de l'avoir, c'est uniquement parce que il emménage dans son appart à elle une fois qu'elle est tombée dans le coma. Voilà, c'est une bonne raison, hein. En tout cas, il n'est pas allé plus loin que ça, Marc Lévy. Il s'est pas foulé. Voilà, donc je disais très vivant, on est vite dedans, c'est pas un gros livre. Sur le plan du style. C'est simple, c'est vivant. Alors, deux choses qui m'ont un petit peu... que j'ai relevé. D'une part, un style indirect. Alors, je sais plus, le indirect libre, machin, je sais plus ça, parce que le français est trop loin, mais... En gros, il démarre un dialogue sur le plan réel. Entre les deux... voilà, par exemple, voilà. Page 94. Alors, bon, il y en a un qui dit à l'autre... l'homme et la femme, hein, toujours, c'est des hommes et des femmes tout le temps. Ça fait très vieux couple notre conversation, je n'ai rien à cacher, Lorraine. Ah, elle s'appelle Lorraine, la fille. Pas de zone d'ombre, pas de jardin secret, pas de traumatisme. Je suis comme je suis, avec plein de défauts. Donc ça, c'est Arthur. Hein. C'était post-moderne, ça, hein. Je suis comme je suis, avec plein de défauts. C'est... Et là, on arrête le dialogue, qui a duré 5-6 répliques, une dizaine de répliques, non, même pas, une quinzaine, voilà. Et après, on rentre dans un paragraphe, qui continue de la façon suivante. Il ne s'aimait pas particulièrement, mais ne se détestait pas non plus. Appréciait sa façon d'être libre et indépendant des modes établis. C'est peut-être cela qu'elle ressentait. Donc là, il décrit le discours qu'il a tenu, mais il fait une sorte de synthèse du discours. Et il enchaîne de l'un à l'autre. Alors, ça, faut reconnaître que ça... Comment dirais-je ? Ça allège, en fait, le dialogue, parce que ça le contracte énormément. Mais en même temps, c'est une facilité qui parfois énerve parce que on évite une vraie conversation. C'est trop facile. Ah, il lui explique qu'en gros, il en a marre et qu'il se barre. Bon, ok. C'est plus facile que de faire un vrai dialogue où il dit bon, j'en ai assez, Lorraine, je vais partir. Voilà, bon. Donc voilà, ce style indirect là, parfois, c'est une facilité, je trouve. Bon. En même temps, ça permet de faire un récit encore plus efficace s'il était besoin. Voilà, enfin, ça facilite un peu à la fois le travail de l'auteur, le travail du lecteur. Bon, parfois trop, hein. Et puis sinon, l'autre point que j'avais sur le style, c'est que il fait des petites trouvailles, il y a des petites choses hein, sympathiques. C'est moins dense qu'Anna Gavalda par rapport à ça. Je dis ça parce qu'effectivement, c'est le premier best-seller de la série que j'ai lu. C'est moins dense que chez elle, je trouve. Elle a peut-être plus de trouvailles. Bon, par contre, l'histoire est plus prenante hein, que L'échappée belle, hein, ça, de loin. Donc au moins, c'est pas une fin en soi le style pour Marc Lévy. Et quand même, c'est mieux parce qu'effectivement, il y a des moments, j'ai relevé trop quatre fautes de syntaxe. Pour moi, c'est carrément des fautes. Il y a ça, bon, ça c'est pas trop gênant. Enfin, à la limite, c'est peut-être moi qui ai mal compris. Par contre, parfois, il y a des effets de style pour faire beau, des métaphores un peu. Ouais, un peu adolescente, je dirais, voilà. Des métaphores quand on veut faire un peu du roman quand on est adolescent, quoi, c'est un peu bon. Mais enfin, tout ça coule bien, hein. Donc, pas de soucis. Oui, je disais ce qui m'a dérangé, alors. Bon, Marc Lévy, effectivement, tous les médecins ont des noms juifs, hein, à Los Angeles. Alors, c'est un peu lui, c'est ça qui est drôle aussi, c'est que c'est pas autobiographique. Of course, mais quand même, c'est un architecte, Marc Lévy est architecte, qui a fait sa compagnie à Los Angeles, San Francisco, Marc Lévy a fait ça. Il s'est pas foulé non plus, le personnage masculin, c'est un peu lui. Et honnêtement, je pense que les lectrices s'en rendent bien compte. Et ça ajoute à la facilité pour se projeter vers la belle femme qui est en face du héros. Et Marc Lévy, d'autant qu'il y a sa photo et tout, bon, ça, c'est un peu, bon, tout ça participe de la facilité de l'identification. Voilà. Et donc oui, c'est ça aussi le petit détail. Donc Marc Lévy, effectivement, probablement est juif et à San Francisco, là, tous les médecins sont juifs. Donc c'est assez amusant. Les gens normaux non, hein, mais les médecins si. Et notamment, il y a une relation qui fait très relation du fiston à la mère juive. Bah, quand justement on part dans le passé du héros, c'est une relation. Alors, sur le plan psychanalytique, ça c'est intéressant. Il n'y a pas de père. Bon, il est mort. Alors, certes, il est mort ou elle l'a quitté. Je sais plus bien d'ailleurs. Ça m'a pas frappé. Enfin, il est absent. C'est plutôt ça qui compte. Hein. Manifestement, il manque pas une seconde. C'est ça qui est drôle d'ailleurs. C'est vraiment fils à sa maman tout seul. Et ça lui va bien comme ça. Et alors sa mère extraordinaire quoi aussi, c'est ça qui est un petit peu trop c'est trop quoi, donc c'est un peu parfait quoi. Bon. Elle est morte hein, au moment de l'histoire du livre, mais elle est présente quand même, elle est présente assez fort à un moment par le testament, par la maison qu'elle a laissée, etc. Et il y a des voilà, ça, c'est une mère si formidable qui lui apprenait à regarder le ciel, à regarder les étoiles, à regarder les fleurs, les vagues, enfin bon, voilà, le truc un peu. Ok. Parfaite, quoi. Et d'ailleurs, le truc réaliste, c'est Lorraine, qui vit très bien ça quand elle comprend l'histoire avec sa mère et tout. Elle le vit très très bien, enfin. Alors. Pas très réaliste, quand même. La belle fille. Parfaitement en osmose avec l'homme qui lui raconte sa maman qui lui manque, enfin bon, ben, il dit pas qu'il lui manque, mais enfin c'est quand même en filigrane. Alors en même temps, la mère est morte, alors bon, peut-être que c'est plus facile pour la belle fille de faire semblant que c'est très très très bien, très supportable. Enfin, elle sait pas encore qu'elle devra scoltiner le fantôme de la mère aussi, mais bon. Ça viendra dans un deuxième temps après la passion amoureuse. Le livre n'est pas là-dedans. Donc l'histoire amoureuse, voilà, bon, il y a des rebondissements. Le héros Arthur, il doit enlever le corps, hein, parce que après 6 mois, la mère de l'héroïne, qui va voir sa fille à l'hôpital, se fait plus ou moins harceler par les les médecins de l'hôpital qui lui disent qu'il faut débrancher, quoi, qu'on empêche d'autres de vivre, hein, en monopolisant un lit à l'hôpital. Et donc, il faut faire un choix raisonnable, que leur fille, elle va pas se réveiller, etc., etc., etc. Donc elle, la mort dans l'âme, elle est sur le point d'accepter. Le héros le sait, lui qui est déjà amoureux, hein, de l'âme de la fille, enfin l'âme bien vivante, hein. Et donc il veut la sauver. Et pour ça, il vole le corps. Et il se réfugie dans la maison où il n'était jamais retourné, qui est l'héritage de sa mère, qui est dans un endroit sublime, une petite maison qui domine la mer, enfin bon, toujours voilà, fleur bleue jusqu'au bout. Là, il planque le corps et puis il vit enfin l'histoire d'amour avec la fille, il concrétise, c'est-à-dire qu'il se tape le fantôme, il la sent, elle le sent, ils peuvent donc faire l'amour. Et là, il y a peut-être un point assez intéressant, il y a une enquête policière, mais assez sympa, pas trop lourde. Où t'as un flic, alors assez sympathique, qui a une relation assez marrante avec son assistante, le vieux flic, on imagine le Mike Hammer sur le retour, qui doit enquêter sur la disparition de ce corps. Et il finit par retrouver le héros, d'aller le voir et le convaincre que bon, s'il veut l'aider, parce qu'il a de la sympathie pour lui, forcément, l'autre c'est un architecte, ouais, mec bien, beau, gentil, intelligent, tout ça, qui a aucune raison de commettre ce crime. Donc, il le comprend ça. Donc, l'autre lui raconte l'histoire. Il est un peu incrédule, mais le flic, il a tellement d'amitié pour lui qu'il aide. Et pour l'aider, il ramène le corps lui-même, sans dénoncer le voleur de corps. Et voilà. Le corps retourne à l'hôpital. Là, le héros vit, alors je sais plus combien, 3 semaines ou 3 mois, je crois que c'est 3 mois, d'amour, il retourne à San Francisco avec son fantôme, qui peut pas être trop loin de son corps quand même, ça. On apprend ça. Voilà, on part pas dans les détails du pourquoi comment, mais enfin, à ce moment-là, on découvre que le corps peut pas être trop loin. Donc il retourne dans son appart à San Francisco avec le fantôme, ils ont une histoire qui dure 3 mois, enfin là ça dure 2 pages, hein. C'est à la fin du livre, jusqu'à ce que, alors il pense pas à l'avenir, hein. Il vit au jour le jour, cueille la rose qui ce matin, et un beau jour, en pleine nuit, elle se réveille en disant, ça y est, je pars, mon Dieu, embrasse-moi, serre-moi. Alors là, c'est hyper émouvant, hein. Je dois bien dire que là, j'étais un peu haletant, un peu les larmes aux yeux. Effectivement, elle commence à devenir transparente, alors qu'il lui dit au revoir, et il l'entend de moins en moins, elle l'entend de moins en moins, et c'est horrible. Et donc, on se dit, voilà, alors elle dit, ça y est, je pars, bon, voilà, donc elle meurt, quoi. Donc lui, il fait, bon, la dépression, hein, 10 jours, là, il est complètement atterré, tout ça, bon, je parle pas, il a un ami qui veille sur lui, bon, bref. Elle meurt, voilà, donc il est anéanti. On le saurait à moins. Et il reçoit un appel du flic, qui lui dit, venez vite à l'hôpital. Alors on sait pas ce qu'il lui dit, mais en fait, il lui dit déjà qu'elle est vivante. Et effectivement, elle vient de sortir du coma. Incroyable. Donc en fait, 10 jours, elle réintègre son corps. On peut penser ça comme ça. Et après, elle se réveille 10 jours plus tard. Donc lui, je te dis pas, il arrive à l'hôpital, il est content, il la voit, il rencontre sa mère, la mère de fille, qui lui fait un bisou sur le joue et qui lui dit, j'ai compris. Alors le flic lui a expliqué a priori, donc elle a compris tout ce qu'elle lui devait, notamment le fait qu'on n'est pas débranché quand même. Alors débranché, il n'y avait pas de respiration artificielle, hein, c'était juste des fluides pleins de sucre et ce qu'il fallait, des vitamines pour qu'elle puisse que le corps vive. Donc, bisous bisous, tout ça. Lui, il veille le corps en même temps que sa mère, enfin là, sa belle-mère, à lui. Ils alternent, tout ça, ils passent des nuits, tout ça. Puis elle se réveille très progressivement, hein, au début, il y a juste le l'encéphalogramme qui est devenu non plat. Et ensuite, elle n'avait pas encore ouvert les yeux, pas encore parlé, bien sûr, etc. Après quelques jours, elle ouvre vraiment les yeux, elle le voit, tout ça, lui lui parle, il la veille et tout. Puis après quelques jours, elle parle. Et quand elle parle, elle lui dit, mais qui es-tu? Alors là, on a des boules, hein. Haletant, tout ça, pareil. Larmes au bord des yeux, tout ça, hein. Ou l'inverse, au bord des larmes. C'est marrant, ça va bien dans l'autre sens. C'est plutôt réaliste. Bref. Et là, il lui ressort la phrase. Là, il sent la douleur pour lui quand même. Se dire, putain, ça y est, j'ai perdu mon amour. Mais non. Il se dit que, hein, c'est à... Parce qu'elle, elle, quand même, elle a eu le temps de voir qu'il tenait à elle, hein, pour passer toutes les nuits auprès d'elle. Ça, elle l'a vu quand même. Donc, elle lui prend la main quand même, elle lui dit, mais qui es-tu? Et là, il lui ressort la phrase qu'elle lui a dite quand il l'a rencontrée pour la première fois. Parce que j'ai pas dit ça. Il l'a rencontrée dans son appart, lui. Il l'a rencontrée, elle, dans son appart, elle était dans le placard. Et il a cru, il a pas cru que c'était un fantôme au début. Il a eu beaucoup de mal à admettre que ce soit un fantôme et que ce soit pas visible par d'autres que lui. Et elle lui avait dit, ce que je vais vous dire, en gros, est difficile à comprendre, mais il faut que vous m'écoutiez parce que vous êtes le seul à me voir, etc., etc., etc. Et vous êtes le seul à qui je peux raconter ça. Et il lui ressort exactement la même phrase mot pour mot. Ça avait été dit un petit peu quelques pages avant la fin, peut-être pour nous rappeler cette phrase. Donc on la voit, on a trois fois cette phrase, ce petit paragraphe, au tout début du livre, à la toute fin et peu avant la fin pour se rappeler. Et donc il lui ressort cette phrase, pour, voilà, j'ai des choses à vous dire, c'est difficile à croire, mais vous êtes la seule personne à qui je peux le dire, etc. Et donc, bah, il n'y a pas de raison qu'il ne retombe pas amoureux, ou alors c'était vraiment fragile, quoi. Hein, on peut penser comme ça. C'est le vrai test de l'amour. Est-ce qu'on peut s'aimer deux fois en se rencontrant deux fois? Sur ce, donc, Marc Lévy, si c'était vrai. Alors, une petite comparaison, j'ai lu Musso, ouais, il y a des années, là, il y a quelques années, on m'avait prêté Musso. J'avais trouvé peut-être plus vivant. Mais bon, c'est le même genre. Hein. Je pense que Musso a écrit après, donc si c'est bien le cas, il a vachement copié sur Marc Lévy dans l'esprit. Hein. Parce que c'est la même chose, une histoire irréaliste sur le plan de la physique. Une sorte de petite science-fiction amoureuse, quoi. Donc c'est un style, la science-fiction amoureuse. Par contre... peut-être que... Alors, Musso, lui, il n'est pas architecte. Hein, il a fait une grande école de commerce. Peut-être qu'il se la pète moins que Lévy dans le style. Et du coup, j'avais peut-être préféré. Mais il faudrait que je relise parce que ça dépend beaucoup de l'humeur, etc. Voilà. C'était Marc Lévy. Et si c'était vrai, hein? Non, il n'y a pas un.